Merci d'écouter nos programmes. Voici Histoire vivante. Très bel après-midi. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Cette semaine, la guerre et les affaires. Affrontement et rapprochement. C'est librement que je me suis rendu à l'invitation du Führer. Je n'ai subi de sa part aucun diktat, aucune pression. Il faut bien penser que le premier acte de collaboration, c'est la signature d'un armistice. SOL, debout ! Notre pays meurtri par la défaite, accablé par les clauses de l'armistice, et maintenant aux prises avec ceux qui hier furent ses alliés ou se disaient ses amis. L'œuvre la plus parfaite de Coco Chanel, c'est son parfum, le numéro 5. Avec l'alchimie de ses 80 ingrédients, Coco Chanel a réinventé le parfum comme elle a révolutionné la mode, en y insufflant la même modernité, la même audace, la même liberté, et pour bien plus longtemps que le temps d'une collection. Le numéro 5 est une légende. C'est également une œuvre d'art. Le parfum doit beaucoup de la sensualité qu'on lui attache à Marilyn Monroe, qui avouait ne porter pour dormir que quelques gouttes de numéro 5. Mais l'histoire du numéro 5 est aussi un palpitant roman, car le parfum de Mademoiselle Chanel a été l'objet entre les années 20 et les années 40 d'une véritable guerre entre celle qui lui a donné son nom et ses associés, les frères Wertheimer. Dans cette guerre du numéro 5, tous les éléments d'un film noir sont réunis. Des hauts dignitaires nazis, le tout Paris de la collaboration, des espions américains et des espions allemands, l'ombre de Churchill et surtout la femme la plus célèbre de son temps, prête à tout pour parvenir à ses fins. Ben voilà, on peut presque dire tout est dit après le début d'un extrait pareil. Début, première minute de ce documentaire d'Histoire vivante que vous aurez l'occasion de voir dimanche soir sur RTS2, La guerre du numéro 5. Il est signé d'un homme que nous avions déjà reçu, mais pour un tout autre sujet, Stéphane Benhamou, puisque la dernière fois qu'on s'est causé, c'était football, la véritable histoire des Bleus. Oui. Et là, vous revenez vraiment avec tout à fait autre chose. Il faut bien le dire. D'ailleurs, c'est posé d'entrée de jeu dans ce teaser d'ouverture de votre documentaire. Les enjeux sont multiples. Les personnages sont remarquables. Le sujet est relativement inédit, en tout cas à la connaissance globale. Comment vous tombez là-dessus, vous ? Je tombe dessus dans les interstices d'un livre, enfin dans quelque chose qui n'est pas dit dans un livre qui a fait du bruit en 2011, moins en France, on se demande pourquoi, qu'un peu partout dans le monde, qui s'appelle « Dans le lit de l'ennemi ». C'est un livre de Al Vaughan qui avait trouvé des documents prouvant que Chanel avait effectué 2 missions pour des services secrets allemands pendant la guerre. Et donc il revient sur pas mal de choses dans cette histoire de Chanel durant la guerre, et il se pose pas la question de mais comment c'est possible pour les associés de Chanel de fabriquer du numéro 5 à 5000 km de Grasse, là où normalement on cultive le jasmin de Grasse indispensable au Chanel numéro 5. Et aussi c'est bizarre, il manque des éléments dans cette histoire et j'ai commencé à fouiller et j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai contacté un historien de référence sur le sujet, qui s'appelle Jean-Marc Dreyfus. Nous avons reçu souvent à Histoire vivante, d'ailleurs. Oui, qui est un des spécialistes de l'aryanisation économique. Et qui m'a dit, bah, écoutez, vous avez de la chance. Vous allez aux Archives nationales, référence à AJ68, si ma mémoire est bonne, ou AJ38. Et vous allez tomber sur le dossier Chanel. Mais vous demandez aussi le dossier bourgeois, les parfums bourgeois. Et donc je suis allé aux Archives nationales, j'ai demandé le dossier en question, ils m'ont rionné, ils m'ont dit vous présentez, c'est le dossier de l'aryanisation économique. Donc on a 15 magasins là-dessus, donc il faut fouiller un peu plus, donc j'ai pris un peu plus de temps que prévu. Vous attendiez à 3 feuillets et il y avait un kilomètre d'archives. Alors il y avait beaucoup d'archives effectivement, mais parmi toutes les spoliations diverses et variées, effectivement je suis tombé sur le dossier Chanel. et le dossier bourgeois, dans lesquels on trouve des éléments dont ne disposait pas encore Alvon quand il a écrit son livre, et il est décédé depuis, et qui éclaire sur le comportement de Chanel, sur sa volonté pendant la guerre de déposséder ses associés juifs. Alors, une fois que vous avez ces quelques éléments, ces nombreux éléments, est-ce que vous pensez tout de suite documentaire ? Est-ce que ça tournicote dans votre esprit ? Enfin, toujours est-il, comment vous choisissez de développer ce projet initial ? Alors, comme j'ai mauvais esprit... S'était dit ça avant, avant l'ouverture de ce micro, mais enfin, c'est bien de le rappeler devant tout le monde, oui, de faire son aveu. J'avoue qu'avec mauvais esprit, j'ai pensé d'abord que ça ne serait pas possible de faire un documentaire. Qu'en France... L'institution, Chanel... Parler de Chanel, ça serait quand même très délicat. Et qu'à la télévision publique, on ne laisserait pas peut-être critiquer une marque qui fait partie du patrimoine. Disons que ça réduit les écrans publicitaires qui entourent la projection de votre documentaire. Voilà. Heureusement, on est sur... C'est sur France 5, donc ça nous a donné plus de liberté au départ. Et sur la RTS très prochainement. Et sur la RTS, et donc là on est beaucoup plus libre de travailler. Mais c'est vrai que j'ai pensé à un moment, et j'y travaille de nouveau, à une fiction autour de ça, puisque ça donnait un peu plus de liberté. Mais en aucun cas, je n'attaque la marque. Là je parle de la vie d'une personne publique. Et qui a fait des choses dont les preuves sont aux archives nationales. Donc, c'est... Et qui plus est, Stéphane Benhamou, on peut dire quand même que vous ne faites pas, loin s'en faut, que peindre en noir cette femme, l'ouverture du sujet, la façon dont cette femme devine, sans jeu de mots évidemment, ce qu'il pourrait bien y avoir à créer, de totalement original à partir d'un parfum. Je vais vous laisser évidemment vous le raconter, mais ça raconte quand même quelque chose qui relève d'un esprit créateur extrêmement large. Elle a quand même un métier, une spécificité, des compétences, et là tout d'un coup elle change. Enfin, elle extrait de cette dimension artistique de la mode quelque chose qu'elle arrive à reproduire, à métamorphoser dans un tout autre domaine. C'est très fascinant, ça, déjà. Oui, elle est géniale et révolutionnaire. C'est-à-dire qu'elle est géniale de la même manière qu'elle s'est emparée des vêtements d'hommes, les vêtements souvent de ses hommes, ses amants, ses différents compagnons, surtout de Boy Capel, son amant qui meurt tragiquement en 1919. Et deux ans après, quand on lui dit quand même, il faudrait que tu aies un parfum comme ta concurrente Jeanne Lanvin, au lieu de se diriger vers les parfums qui se font à l'époque où on met beaucoup de fleurs en avant, où on travaille énormément le flacon. Le flacon doit être sculpté avec des tas de redondances, enfin rococo. Elle dit non, moi je veux quelque chose d'extrêmement dépouillé, de très simple. D'abord, l'odeur, son parfum. Elle veut, ce qui est très provocateur, elle dit je veux un parfum à odeur de femme. Donc, elle dit ça à Ernest Beau, qui est un génial chimiste, qui faisait les parfums pour le tsar, qui était à la cour du tsar, et qui est réfugié sur la Côte d'Azur. Elle lui dit, je veux un parfum à odeur de femme. Donc, il va se débrouiller avec ça, mais elle va savoir choisir un élément qui compose ce parfum. Et donc, elle veut aussi que ce soit cubiste, que tout ça, finalement, tous ces mélanges fabriquent un portrait totalement inédit. C'est comme une défragmentation. Totalement. Totalement, on ne reconnaît pas, on va mettre dedans, enfin Ernest Beau, il met des aldéhydes, donc comme dit le spécialiste du parfum qui est dans le film, il dit c'est des choses, quand on les brûle, ça a un parfum de fer à repasser. De choses qui brûlent. J'ai essayé d'ailleurs tout de suite de me rappeler qu'il y a une odeur très caractéristique. Oui. Donc il y a cette odeur-là mélangée avec énormément d'ingrédients et ce jasmin de Grasse qu'on ne trouve qu'entre Cannes et Grasse vers Pégomas et nulle part ailleurs. L'été 1920, le grand-duc Dimitri profite du séjour de Coco Chanel sur la Côte d'Azur pour lui faire rencontrer à Grasse un chimiste d'exception, Ernest Beau. Il connaît bien ce russe d'origine française, réfugié comme lui sur la Côte d'Azur, et qui était le créateur de parfums de la cour des Romanov. Elle était assez visionnaire dans son idée du parfum. Elle demande à Ernest Beau de composer un parfum pour les femmes à odeur de femme. Et ça, c'est une révolution en soi. La parfumerie, c'était une rose, un jasmin, un muguet. On ne sortait pas de ça. Elle, elle dit, je ne veux pas que ce parfum sente une fleur en particulier. La parfumerie de l'époque n'était pas considérée comme un art par qui que ce soit. Elle, elle se dit, c'est une œuvre de création, c'est une œuvre artistique, le parfum. Stéphane Benhamou, comment fait-on pour aller recueillir ces anecdotes, ces histoires? Est-ce que ça sous-entend que des historiens ont travaillé sur cette matière-là, les relations que Coco Chanel, Gabrielle Chanel pouvaient avoir avec dans la construction en tout cas de son numéro 5, qu'est-ce qu'il y avait comme littérature là-dessus? Alors, il y a de la littérature là-dessus, l'historien Payès qui est dans le film est une personne de référence sur l'histoire des parfums. On connaît l'histoire du parfum. Le choix du numéro 5, c'était le cinquième extrait des 20 présentés. Donc de 1 à 5, c'était son chiffre porte-bonheur. Tout ça, c'est des choses qui sont connues. Ce qui est moins connu, c'est ce qui vient après. Parce que finalement, l'intention de Gabrielle Chanel à ce moment-là, c'est effectivement d'avoir un parfum comme ses concurrentes, mais aussi de pouvoir offrir ce parfum en fin d'année à ses meilleures clientes. Ça ne va pas plus loin. Elle n'a pas l'intention à ce moment-là de devenir le parfum le plus célèbre et le plus vendu dans le monde. Alors, ce qu'il faut peut-être compléter, permettez-moi en tout cas, c'est que non seulement elle le choisit, mais elle pousse plus loin puisqu'elle va aussi le tester. Elle sort dans la rue avec son parfum. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va sur la Croisette à Cannes et puis elle en répand un petit peu comme ça au passage des hommes qui se retournent et les gens se retournent. J'adore ça. Cette odeur est totalement inconnue et intrigante et excitante. C'est une odeur vraiment excitante qui appelle autre chose. Alors là, elle se dit que le pari est gagné, que son odeur de femme, comme elle disait, c'est une odeur de femme totalement envoûtante. On a l'impression qu'elle fait quasiment, dans cet exercice-là, comme de la maïeutique. Vous lâchez quelque chose dans l'espace et vous laissez les gens y projeter tous leurs univers. Elle aurait pu, s'il était avec un magnétophone, recueillir des paroles sans doute absolument insensées. Oui, leur univers, leur fantasme. Il y a beaucoup de fantasmes et elle va le dire à ses premières clientes qui vont se précipiter dessus. C'est vraiment, mettez-le même aux endroits qu'on dit indécents. Voilà, vous n'allez pas le mettre juste un petit peu dans le cou comme ça. Il faut le mettre dans des endroits beaucoup plus secret de votre corps. Avez-vous pour puiser votre inspiration fabriqué un encrier à partir du flacon initial de Chanel numéro 5? Qu'est-ce qui vous a mis, vous, sensuellement en relation avec cette histoire-là? Parce que pour rester dessus, ça ne peut pas être qu'une histoire d'archives, de papier. Il faut rentrer dans cette matière. Et c'est complexe, la matière d'un parfum. C'est pas un certain Suskind qui me contredira. Oui, mais je vous l'ai dit déjà deux fois, c'est sa définition d'odeur de femme, de rechercher l'odeur de femme. C'est ça qui m'a attiré dans la préparation du film et qui m'a accompagné même quand je vais tourner ce flacon pour l'habillage un petit peu du film. C'est ce que j'ai envie de faire ressortir en prenant les reflets jaunes qu'il peut avoir. Trafic RTS. Deux accidents viennent de se produire sur les autoroutes de Suisse romande. Le premier sur le contournement de Genève sur la voie de sortie de Bernay en direction de la France. Le second sur l'A9 Vevey-Martigny sur la voie d'entrée de Vevey en direction de Martigny. La circulation est perturbée à ces deux endroits. Stéphane Benhamou, il y a dans votre documentaire des archives, des images que l'on a déjà vues relatives à la Seconde Guerre mondiale. Je pense notamment à l'exposition des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'est tenue à Paris. D'autres images qui sont extrêmement rares, moi pour ma part je n'avais jamais vu, qu'on a le sentiment d'avoir, qui ont été tournées très probablement dans les usines Chanel. Vous pouvez un peu nous raconter là, les origines, les sources de ces différentes images? Alors il y a des sources qu'on peut trouver en fouillant un petit peu ou en donnant à numériser des choses qui sont pas forcément numérisées, qui sont dans les archives de Gaumont, de Pathé, comme ces films effectivement qui viennent des usines Chanel, des premiers de la fabrication des premiers flacons, de la fabrication après de ces plaques sur lesquelles on va laisser infuser ces fleurs de jasmin. Et ce sont des plaques couvertes de graisse animale. Donc on voit ce travail fait à partir de... Puisque ce sont les usines, donc les usines, il a fallu attendre que les frères Wertheimer, qui interviennent un peu plus tard dans cette histoire... Qu'il faut que vous nous situiez un peu. Oui. Donc les frères Wertheimer, en fait, sont mis en relation avec Chanel, quand finalement, elle se dit que ces parfums qu'elle offre à ses meilleurs clients peuvent être vendus. Elle les vend très bien, mais elle en vend très peu parce qu'elle peut pas fabriquer énormément de parfums. Elle va voir le patron des Galeries Lafayette de l'époque, Théophile Bader, et fondateur des Galeries Lafayette, qui lui dit « Vous êtes gentille, mademoiselle, mais ici, j'ai besoin d'énormément de débit. Enfin, mes clientes peuvent pas, doivent être satisfaites à tout prix, donc il faut fabriquer en grande quantité. » Et je peux vous mettre en relation donc avec les propriétaires des bourgeois, des flacons bourgeois, des parfums bourgeois. Avec un J, un I. Oui, qui sont les frères Wertheimer. Et Théophile Bader organise leur rencontre à Deauville. Et il se trouve qu'elle adore Deauville parce qu'elle adore l'équitation, les chevaux et les Wertheimer aussi. Et elle n'est pas insensible au charme de Pierre Wertheimer. Ils s'entendent bien et il lui dit voilà, c'est simple, on peut vraiment transformer ces échantillons en parfums vendus dans le monde entier. Et il lui propose un deal qu'elle trouve tout à fait convenable, c'est qu'il lui donne 10%. Des actions de la société. Avec la promesse d'en vendre forcément beaucoup. Avec la promesse d'en vendre partout dans le monde entier. Et eux, de leur côté, vont fabriquer des usines, faire de la publicité et le diffuser un petit peu partout. Donc voilà, donc c'est comme ça que l'accord naît et que le parfum va devenir 3 ans plus tard, ça met quand même relativement peu de temps, le parfum le plus vendu au monde. De leur côté, les Wertheimer investissent pour adapter leurs usines à la production du numéro 5. Et pour, sans nuire à son exceptionnelle qualité, le fabriquer en grande quantité. Ils assurent sa distribution dans tous les grands magasins d'Europe et des États-Unis et multiplient les annonces publicitaires dans les journaux. C'est ainsi qu'en 1929, le numéro 5 devient le parfum le plus vendu au monde. Et il le restera longtemps. Du coup, le monde entier s'arrache Coco Chanel. À Londres, les ladies du royaume jouent les mannequins en présentant ses collections. À Hollywood, Samuel Goldwyn lui offre un contrat mirobolant pour dessiner les robes de ses stars. Comme ici, Gloria Swanson, dans Ce soir ou jamais. Grâce au numéro 5, Coco Chanel est riche. En France, elle a désormais les moyens de vivre à l'année à l'hôtel Ritz, place Vendôme, tout près de sa boutique de la rue Cambon. Le nom de Chanel atteint une notoriété qui n'a d'égal que celle de Charlie Chaplin ou de Charles Lindbergh. Fort du succès du numéro 5, d'autres parfums Chanel sont lancés à partir de 1926. Cuir de Russie, Gardenia, Bois des Îles ou encore le numéro 22. Et pourtant, malgré le succès, Gabrielle Chanel se sent lésée. Tu Elle prend conscience, à la fin des années 20, qu'elle a fait une mauvaise affaire et qu'elle n'a pas demandé assez. Car dès que le numéro 5 est commercialisé à grande échelle, il remporte un succès extraordinaire. En particulier aux États-Unis, l'un des plus gros marchés pour les parfums Chanel. Si le documentaire s'intitule « La guerre du numéro 5 », vous l'aurez compris, vous qui nous écoutez, c'est que, passé ce premier chapitre, disons, amiable, on va partir après dans des chapitres moins aimables. On va pas déflorer, sans jeu de mots une fois encore, le contenu de ce documentaire très excitant à voir par main côté. Je voudrais, moi, m'arrêter avec vous sur ce personnage, sur cette femme, parce que vous avez rappelé à plusieurs reprises dans vos réponses, il y a toujours une relation avec un homme à un moment ou un autre. On peut dire d'elle que c'est une collectionneuse, elle a eu un nombre d'amants assez mémorable, mais est-ce une amoureuse? Parce qu'elle a une dimension tellement dure, tellement inflexible, tellement, et les portraits que l'on a d'elle, parfois en noir et blanc, dans votre documentaire, accentue encore plus ce côté couperet qu'elle peut porter en elle. Vous qui l'avez abroché, si j'ose dire, comment vous la situez? C'est une femme qui a été sans doute réellement et très fortement amoureuse de Boy Capel, du poète Pierre Verdi, ça c'est certain. On connaît après ses nombreuses relations, mais les hommes avec qui elle a partagé sa vie plus longtemps étaient des hommes assez particuliers. Et là, je ne suis pas certain que ça soit uniquement par amour. Quand elle est avec le duc de Westminster, qui est à la fois qui se vante d'être l'homme le plus riche d'Europe, ce qu'il est certainement, il a des quartiers entiers de Londres qui lui appartiennent, mais aussi le plus antisémite, qui va faire tout ce qu'il faut pendant les années 30 pour essayer de rapprocher l'Allemagne nazie et l'Angleterre. Quand elle vit et qu'elle finance la revue de Paul Irib, qui est son amant du début des années 30, qui est une revue d'extrême droite, clairement ultra-nationaliste. C'est aussi une association d'intérêts. Et là, il y a peut-être moins de passion, parce que c'est quelqu'un qui était extrêmement connu dans les années 10, quand elle n'était pas encore très connue. Et on a l'impression qu'il y a une revanche un petit peu à ce moment-là. Elle le finance. Et en même temps, il y a un peu de mépris. Bon, il meurt brutalement. Et puis, il y a un autre homme. Alors, c'est peut-être, alors on ne sait pas si c'est de la passion, mais c'est un petit peu sa chance du dernier amour. C'est cet Allemand qu'elle rencontre au Ritz pendant la guerre, et qui est un espion nazi, qui est Dinklage. Et Dinklage va quand même, ils vont quand même vivre ensemble quasiment 10 ans. Jusqu'au milieu des années 50, je crois. Jusqu'au début des années 50. Jusqu'au début des années 50, ils vont vivre, c'est le moment où elle va être en exil, quasiment, même si c'est pas dit officiellement, mais elle va vivre à Lausanne. L'exil lémanique, voilà. Oui. Elle vit à Lausanne, a fait quelques allers-retours, et puis elle décroche complètement de la mode. Elle va revenir en 53, et ça va être très difficile, son retour. Est-ce une antisémite affichée, affirmée? Affiché, alors je ne crois pas. Mais il y a une constante, effectivement, d'avoir vécu avec des antisémites. Il y a une constante, y compris, on n'en a pas parlé avec le grand-duc Dimitri. Parlez-en, oui. Le grand-duc Dimitri, c'est le personnage, c'est son amant de 1910, enfin après Boy Capel, on va dire 1920-21. On aurait dû mettre des numéros, ça aurait été tellement plus simple. Donc le grand-duc Dimitri, lui, son fait de gloire, il le répète à qui veut l'entendre, c'est d'avoir participé à l'assassinat de Rasputin. Et il a eu la peau de Rasputin, et non pas parce que Rasputin entretenait, faisait vivre la famille, avait la famille tsariste, enfin du tsar sous sa coupe. Non, pas du tout, parce qu'il trouvait que il avait une mauvaise influence trop libérale sur économiquement. Ou dans les mœurs. Politiquement, à tout point de vue. Tout dépend si on parle du rouble ou des orgies. Je pense que c'était plutôt sur le rouble et sur l'ouverture du régime. C'est-à-dire que 1912, la Douma, c'est insupportable aux yeux de Dimitri. Il est pour l'autocratisme absolu du tsar. Donc c'est quelqu'un qui a quand même des positions politiques un peu radical, hein, le grand-duc Dimitri. Mais pour en revenir, est-ce qu'elle était antisémite ou pas? Il y a une anecdote qui me fait sourire. C'est une erreur commise par dans le beau livre, hein, d'Edmond Charleroux sur Chanel. Elle a écrit un livre, elle l'a rencontré très souvent, mais elle dit qu'elle s'est fait balader, parce que Edmond Charleroux dira qu'elle s'est fait balader par Chanel, qui n'a jamais voulu vraiment parler de sa période de l'occupation. Mais quand même, quand elle raconte... Edmond Charleroux, pour rappel et pour mémoire, pour ceux qui ne situent pas, femme par ailleurs d'un certain Gaston Defer, voilà, homme qui... de gauche s'il en est. Oui, comme on peut l'être à Marseille. Voilà. Comme on peut l'être à Marseille. et puis qui était le prix Goncourt de 1965, oublié par l'herbe, et puis directrice de journal. Enfin voilà, c'était une grande figure, enfin de la vie de la rive gauche parisienne. Et donc elle raconte comment se sont passés les quelques mois entre 12 et 16 mois de Chanel à Hollywood. Chanel est invitée par Samuel Goldwyn à faire les costumes de ses stars, notamment de Gloria Swanson. On voit des images dans votre documentaire. Oui. Ouais. Pour ses productions. Et Chanel se rend à Hollywood. Le contrat est exceptionnel, enfin, pour une très grosse somme d'argent. Et Edmond Charleroux raconte que cette période, Chanel n'a de relation avec personne, qu'elle déteste tout le monde. La vulgarité des producteurs, leur comportement, leur mentalité, tout ça est détestable. Mais trouve grâce à ses yeux un personnage qui est le seul qui vient de la vieille Europe, l'Europe respectable, et qui en plus est un aristocrate, très loin de ses producteurs juifs. Et ce personnage s'appelle Eric von Stroheim. Et c'est assez drôle, parce que Eric von Stroheim, qui trouve grâce aux yeux de Chanel, en fait, elle ne savait pas qu'il était juif. Voilà, on voit que même en creux, la seule personne qu'elle trouve acceptable dans ce milieu très juif des producteurs hollywoodiens à ce moment-là, c'est quelqu'un qu'elle pense être un pur arien, et qui ne l'est pas. Mais est-ce qu'elle est dans une perception aristocratique ? Oui, je crois. Vous citez par exemple Paul Morand. Oui. Vous la mettez un peu. Oui, parce que en vis-à-vis. Voilà, ils détestent cette France de 36, de cette France du Front populaire, de cette France qui ne reconnaissent plus tous les deux. C'est et même dans le texte de Paul Morand écrira juste après sa mort, il rend hommage à cette mademoiselle qui est le témoin de cette France qui malheureusement. Bon, on est après 68, là on était après 36, mais dans les deux cas, ça ne leur ressemble plus. On entend un nouvel extrait de votre documentaire. Coco Chanel commence par missionner des experts comptables pour examiner les bilans de la société. Et les experts ne trouvent rien à redire. Avec Pierre Wertheimer, Coco Chanel passe alors de la séduction à l'affrontement. De plus en plus clairement, elle cherche la rupture. Très vite, elle se dit, ils utilisent mon nom, ma réputation, des photos de moi pour faire la promotion du parfum. Et elle est très en colère contre les Wertheimer. En 1930, elle parle même publiquement de ce bandit de Pierre Wertheimer. L'année suivante, depuis Hollywood, elle s'en prend aux méthodes marketing des Wertheimer. Alors qu'ils inventent le flacon de poche qui rend le numéro 5 accessible à une clientèle populaire, elle préférerait que son parfum reste réservé à une élite. Elle réinvestit le lien personnel fort qu'elle a toujours eu avec le numéro 5 et elle décide qu'elle va récupérer la société des parfums Chanel. Voilà un extrait de ce documentaire que nous découvrirons en images, et il y en a de l'image, dimanche soir sur RTS2. Voulez-vous bien nous rappeler le titre de votre opus ? La guerre du numéro 5. Merci Stéphane Benhamou d'être Merci. Venu au micro d'Histoire Vivante.